إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شهر رمضان، ونتحدث فيه بإذن الله عز وجل عن غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل. كما كان في هذا الشهر المبارك غزوة بدر التي تحدثنا عنها البارحة، التي انتصر فيها الإسلام، كان فيه أيضا غزوة فتح مكة البلد الأمين، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة، فأنقذه الله سبحانه وتعالى بهذا الفتح العظيم من الشرك، وصار هذا البلد بلدا إسلاميا حل فيه التوحيد عن الشرك، وحل فيه الإيمان عن الكفر، وأعلنت فيه عبادة الله سبحانه وتعالى، وكسرت فيه أوثان الشرك، فما لها بعد ذلك من انجبار. Donc ceci est la 14e assise des assises du Ramadan, dans laquelle nous allons parler de la conquête de la Mecque. Durant ce mois du Ramadan, ce mois béni, comme on l'a vu hier, il y a eu la bataille de Badr, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire aux musulmans. Durant ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a également accordé la victoire de la Mecque, la conquête de la Mecque pendant le mois du Ramadan de la 8e année de l'Hégire. Allah subhanahu wa ta'ala a purifié cette terre sainte de toute forme de polythéisme. Cette ville est devenue une terre d'islam dans laquelle règne le tawhid, dans laquelle l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala a pris place devant le polythéisme. La foi s'est installée à la place de toute forme de mécréance, et l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala a été proclamée. Toutes les divinités adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été détruites. Et cette énorme victoire a eu lieu après Sulh al-Hudaybiyah, après le pacte de l'Hudaybiyah, lors de l'année 6 de l'Hégire. Et pour comprendre la conquête de la Mecque, il faut avoir à l'esprit ce pacte de l'Hudaybiyah. Sulh al-Hudaybiyah, alladhi tamma bayna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Quraysh fi as-sanati as-sadisah. وكان من ضمن هذا الصلح أن من أحب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش فعل. Lors de ce pacte de l'Hudaybiyah, parmi les points de ce traité, il y avait le fait que celui ou les tribus qui souhaitaient s'allier au prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvaient le faire, de même que les tribus qui souhaitaient s'allier avec les polythéistes de Quraysh pouvait le faire. La tribu de Khuza'a a décidé de s'allier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la tribu de Banu Bakr, ils sont entrés dans le camp d'appartenance aux polythéistes de la Mecque. Or, il y avait entre la tribu de Khuza'a et la tribu de Banu Bakr, il y avait, avant l'apparition de l'islam, des conflits entre ces deux tribus à cause du prix du sang. À cause du prix du sang, il y avait des personnes tuées et cela avait créé de la crispation entre ces deux tribus de Khuza'a et de Banu Bakr. La tribu de Banu Bakr a décidé de se venger et d'attaquer la tribu de Khuza'a. Or, dans le pacte de l'Hudaybiyah, la tribu qui avait choisi de s'allier avec l'un des camps, que ce soit le camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le camp des polythéistes, que celui qui s'attaquait à une tribu alliée à un camp, cela revenait à s'attaquer à ce camp d'appartenance. Banu Bakr ont décidé d'attaquer Khuza'a pour se venger et assouvir leur désir de vengeance. Et Quraysh ont décidé de les aider de façon discrète en leur fournissant des armes. Ils ont alors attaqué la tribu de Khuza'a alliée au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Certains sont parvenus à s'échapper et à prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam des agissements de la tribu de Banu Bakr et de l'aide qui leur a été apportée par les polythéistes de Quraysh. أما قريش فسقط في أيديهم ورأوا أنهم بفعلهم هذا نقضوا عهدهم فأرسلوا زعيمهم أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلم يرد عليه ثم كلم أبا بكر وعمر ليشفع له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفلح. Quraysh se sont rendus compte de la grave erreur qu'ils venaient de commettre. Ils se sont concertés et ont décidé d'envoyer Abu Sufyan, qui à l'époque n'était pas encore converti. Abu Sufyan, radiallahu anhu, se convertit par la suite comme on le verra. Ils ont décidé d'envoyer Abu Sufyan à Médine afin de négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de consolider ce pacte de l'Hudaybiyah et étendre sa durée de validité. Il s'est donc rendu à Médine et s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam ne s'est pas adressé à lui et ne lui a aucunement répondu. Puis il est parti vers Abu Bakr afin qu'il intercède en sa faveur auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a trouvé aucun soutien de la part d'Abu Bakr. Puis il est parti voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui a refusé toute action de sa part auprès du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Puis il s'est adressé à Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, et cela ne lui a été d'aucune utilité. Puis il s'est adressé à Ali ibn Abi Talib en disant: Que dis-tu, ô Abul Hassan? Que dis-tu de cette situation? Ali radiallahu anhu lui a répondu: je ne vois pour toi rien à faire, si ce n'est que tu es le responsable et le maître de la tribu de Banu Kinana. Va les voir et dis-leur qu'ils sont, que tu leur accordes ta protection. Puis il lui a dit, Abu Sufyan à Ali radiallahu anhu, vois-tu qu'il y a dans ce geste de ma part un quelconque bénéfice? Il a répondu, non par Allah, mais je n'ai rien d'autre à te proposer. Abu Sufyan est alors parti à sa tribu et leur a proclamé qu'ils étaient sous sa protection. Puis il est parti à la Mecque rejoindre les polythéistes. Quraysh lui ont dit, que nous apportes-tu? Ma wara'ak? Qala ataytu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, fakallamtuhu fawallahi ma radda alayya shay'a. Thumma ataytu Aba Quhafa, ki Abu Bakr radiyallahu anhu, wa ibn al-Khattab, falam ajid khayran. Thumma ataytu Ali, ataytu Aliyan faashara Ali alayya bi shay'in sana'tuhu أجرت بين الناس. قالوا فهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا. قالوا ويحك ما زاد الرجل يعنون عليا اللعب بك. Qu'as-tu fait? Il a répondu, je suis parti voir Muhammad. Je lui ai parlé et par Allah il ne m'a aucunement répondu. Puis je suis parti voir Abu Quhafa qui est Abu Bakr radiallahu anhu et Ibn al-Khattab, Omar radiallahu anhu, et je n'ai rien trouvé auprès d'eux. Puis je suis parti voir Ali, qui m'a suggéré de faire une chose que j'ai faite. Et Quraysh lui a dit, et ce fait, ce que tu as fait, à savoir de proposer, de donner ta protection à ton peuple, est-ce que Muhammad te l'a autorisé? Il a répondu non. Ils lui ont dit, malheur à toi, cet homme ne s'est qu'amusé de toi, en parlant de Ali radiallahu anhu. Quant au prophète alayhi salatu wassalam, il a ordonné à ses compagnons radiallahu anhum de se préparer au combat. Et il leur a clairement indiqué son intention. Le prophète sallallahu alayhi wassalam a demandé également aux tribus qui étaient aux alentours de Médine de se joindre à lui. Puis avant de sortir, le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin que la nouvelle et les nouvelles de son départ pour la Mecque ne parviennent pas à Quraysh, de manière à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse les surprendre. Puis le prophète alayhi salatu wassalam, le 10e jour de Ramadan de cette 8e année de l'Hégire, a quitté Médine avec lui une armée de 10 000 hommes. Et il a laissé derrière lui et a donné la responsabilité des gens de Médine à Abdullah ibn Umm Maktoum radiyallahu ta'ala anhu, qui était l'un de ses muadhdhin. Durant son trajet vers la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré à Al-Juhfah son oncle Al-Abbas, accompagné de sa famille et de ses enfants qui avaient quitté la Mecque après s'être convertis. Et dans l'endroit appelé Al-Abwa, il a rencontré alayhi salatu wa sallam son cousin Abu Sufyan ibn al-Harith, non pas Abu Sufyan ibn Harb, qui était parti à Médine, mais ici on parle bien de Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. De même qu'il a vu son cousin, le fils de sa tante paternelle, alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Abi Umayyah, et ces deux faisaient partie de ses ennemis les plus farouches. ils se sont convertis à l'islam et Allah subhanahu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté d'eux leur conversion et a dit en parlant d'Abu Sufyan, j'espère qu'il sera un bon successeur à Hamza radiyallahu anhu qui a péri radiyallahu anhu lors de la bataille de Uhud. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à l'endroit appelé Marr al-Zahran, un endroit proche de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à son armée d'allumer des feux. Chacun a allumé un feu, ce sont donc 10 000 feux qui se sont allumés dans ce campement. Omar radiallahu anhu a été désigné pour assurer la garde du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Durant cette nuit, Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est donc converti à l'islam et qui a quitté la Mecque en direction de Médine pour émigrer, qui a rencontré, comme on l'a vu, le prophète alayhi salatu wa sallam à Al-Juhfah, qui est l'endroit approximatif de là où il y a le miqat de Al-Juhfah. Al-Abbas radiallahu anhu a pris la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller à la recherche de personnes qui pouvaient informer Quraysh afin que des représentants de Quraysh viennent rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce campement afin de demander la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le combat et la guerre ne soit pas déclenché dans la Mecque qui est une terre sainte et une terre de sûreté. Alors que Al-Abbas radiallahu anhu sur la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam avançait, il a entendu une conversation entre Abu Sufyan et Budayl ibn Warqa. Abu Sufyan a dit, je n'ai jamais vu une nuit aussi éclairée par des feux. Budayl lui a dit, c'est sûrement la tribu de Khuza'a. La tribu de Khuza'a qui avait, comme on l'a vu, été attaquée par la tribu de Banu Bakr. Ils ont donc pensé que c'était la tribu de Banu Khuza'a qui s'apprêtait à attaquer les polythéistes de la Mecque en guise de vengeance de cette attaque de la tribu de Banu Bakr. Abu Sufyan, comme on l'a vu hier, était un homme extrêmement futé, extrêmement rusé. Et il a dit, en répondant à Budayl ibn Warqa, « Khuza'a ne sont pas aussi nombreux. » Al-Abbas, lorsqu'il a entendu cette conversation, a reconnu la voix d'Abu Sufyan. Il lui a dit, « Oh Abu Sufyan !» qui a répondu, « Qu'as-tu, ô Abu al-Fadl ?» qui était la kunya de Al-Abbas, radiyallahu anhu, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Abbas a répondu, « Il y a ici le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est présent dans ce campement. » Al-Abbas lui a dit, « Quelle est donc la solution ?» Al-Abbas lui a dit, « Monte avec moi sur la mule. » Je vais t'amener au prophète sallallahu alayhi wa sallam et je demanderai qu'il t'accorde sa protection. Il a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est adressé à lui en lui disant « Waihaka ya Abu Sufyan, pauvre de toi, ô Abu Sufyan, le moment n'est-il pas venu que tu saches qu'il n'y a d'autre divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah ?» Abu Sufyan a fait preuve de réticence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Le moment n'est-il pas venu que tu saches enfin que je suis le prophète d'Allah et son envoyé ? Abu Sufyan faisait encore preuve de réticence face à cet appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Abbas lui a dit : pauvre de toi, ô Abu Sufyan, convertis-toi et atteste l'attestation de vérité. Abu Sufyan s'est alors converti à l'islam et a proclamé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète alayhi salatu wa salam était son prophète et envoyé. Puis le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Al-Abbas de partir avec Abu Sufyan dans un endroit élevé à proximité de ce campement, afin que toutes les tribus et cette armée de 10 000 hommes passent en revue devant Abu Sufyan. Les tribus passaient les unes après les autres, chacune avec son étendard, devant Al-Abbas et à ses côtés Abu Sufyan. Et Al-Abbas informait au fur et à mesure du passage des différentes tribus, il informait Abu Sufyan de qui était cette tribu et qui était à leur tête. Puis est passée une tribu qui était la plus nombreuse. Abu Sufyan a dit à Al-Abbas : qui est cette tribu ? Il a répondu : Ha'oula il Ansar, alayhim Sa'd ibn Ubadah, ma'ahu ar-rayah. Ce sont les Ansar. À leur tête, il y a Sa'd ibn Ubadah, radiallahu ta'ala an, qui porte l'étendard. Et lorsque Sa'd, radiallahu an, est passé à proximité d'Abu Sufyan, il lui a dit : Abu Sufyan, al-yawm yawmul malhamah. Aujourd'hui, c'est le jour des échauffourées. Et aujourd'hui, nous allons libérer la Kaaba. Autrement dit, c'est un jour de guerre et un jour de combat. Puis est venu un groupe qui était constitué d'un nombre moindre de personnes, qui était le groupe du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que ses compagnons rapprochés radiyallahu anhum. Leur étendard était porté par Az-Zubayr ibn al-Awwam, Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité d'Abu Sufyan, Abu Sufyan lui a fait part des paroles de Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu. Il lui a dit : est-ce vrai que tu vas t'en prendre à ton peuple et que tu vas l'attaquer ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que Sa'd a fait une erreur et que c'est un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala allait immensifier sa Kaaba et allait honorer la tribu de Quraysh. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce que l'on retire l'étendard de Sa'd ibn Ubadah et qu'elle soit donnée à son fils. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a voulu entrer à la Mecque, n'a pas voulu combattre, mais privilégier la paix et le dialogue. Ainsi, il a retiré cet étendard à Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a continué son chemin. Et une fois arrivé à Al-Hujun, qui est un endroit proche de la mosquée sacrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque avec humilité, en baissant sa tête alayhi salatu wassalam, au point que son menton touchait la selle de sa chamelle alayhi salatu wassalam. Et il lisait la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna fatahna laka fatham mubina. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait ce verset. Puis il a envoyé dans les deux extrémités de la Mecque, Khalid ibn al-Walid d'un côté et Az-Zubayr ibn al-Awam de l'autre, radiyallahu ta'ala anhuma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man dakhala al-masjid fa huwa amin. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui entre dans la mosquée sera en sécurité, celui qui entre dans la maison d'Abu Sufyan sera en sécurité, celui qui entre dans sa demeure et ferme la porte de chez soi sera en sécurité. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué son chemin jusqu'à arriver à la mosquée sacrée de la Mecque. Il a fait le tawaf autour de la Kaaba, au-dessus de sa chamelle sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et autour de la Kaaba, il y avait 360 statues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les renversa les unes après les autres à l'aide de son arc alayhi salatu wa sallam. Il récitait la parole d'Allah azza wa jal, wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Il récitait la parole d'Allah azza wa jal, qul jaa al-haq wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id. Dans le sens des versets, est dit, la vérité est venue, c'est-à-dire l'islam, et le faux a disparu, c'est-à-dire le polythéisme. Le faux est destiné à disparaître. Et il récitait la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens, dit, la vérité est venue, et le faux ne peut rien commencer ni renouveler. Et les statues tombaient les unes après les autres. Puis le prophète alayhi salatu wassalam est entré à l'intérieur de la Mecque, à l'intérieur de la Kaaba, afwan. Il a vu que des images et des représentations y étaient accrochées. Il a ordonné alayhi salatu wassalam que ces images soient ôtées. Puis il a accompli deux unités de prière à l'intérieur de la Kaaba. Lorsqu'il a terminé ces deux unités de prière, alayhi salatu wassalam, il a fait le tour de la Kaaba à l'intérieur de celle-ci et a proclamé la grandeur d'Allah Azza wa Jal et a proclamé son unicité dans chaque coin de cette Kaaba. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est dirigé au niveau de la porte de la Kaaba et s'est tenu et a tenu les deux versants de cette porte et s'est adressé à Quraysh, à la tribu de Quraysh, qui était rassemblée autour de la Kaaba et attentif à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait dire en s'adressant à eux. Le prophète alayhi salatu wa sallam s'est adressé en disant, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Le seul, l'unique, point d'associer à lui. À lui la royauté et à lui la louange. Et il est capable de toutes choses. صدق وعده. Il a tenu sa promesse. ونصر عبده. Et a donné victoire à son serviteur. وهزم الأحزاب وحده. Et il a eu le dessus seul face aux coalisés. Puis il leur a dit, alayhi salatu wassalam, ô vous la tribu de Quraysh, Allah vous a ôté l'orgueil de la période anti-islamique Et Allah a ôté de vous le culte des ancêtres. An-nasu min Adam wa Adamu min Turab. Les gens proviennent de Adam et Adam a été créé de terre. Puis il a récité la parole d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô vous les gens, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez. Et le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui est le plus pieux. Allah est certes connaisseur, Allah est certes savant et connaisseur. Puis il s'est adressé à Quraysh en disant, « Ô vous, la tribu de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui ?» Ils ont dit, « Tu ne vas faire que du bien, tu es un frère généreux, le fils d'un frère généreux. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, « Fa'inni aqulu lakum » كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Je vous dis aujourd'hui, comme Youssouf a dit à ses frères, point de réprimande contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, اذهبوا فأنتم الطلقاء. Allez-vous-en, vous êtes désormais libres. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire et la conquête de la Mecque sans combat. Allah azza wa jal a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam cette victoire éclatante et a semé dans le cœur des polythéistes de la Mecque la peur et le fait qu'ils redoutaient les musulmans. Pour cela, d'ailleurs, qu'ils ont envoyé Abu Sufyan, car ils ont pris conscience de l'énorme erreur qu'ils venaient de faire et de la trahison de ce pacte qu'ils avaient pourtant conclu avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le deuxième jour de cette victoire et de cette conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux gens, a proclamé la louange d'Allah et a fait ses éloges, puis a dit « Inna Allah harrama Makkah wa lam yuharrimha an-nas fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha dama ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب. Prophète صلى الله عليه وسلم s'est adressé aux gens en disant, Allah a rendu sacré la Mecque. Ce ne sont donc pas les gens qui l'ont rendu sacré. Il est interdit à quiconque qui croit en Allah et au jour dernier de faire couler le sang dans cette ville, ni d'arracher une quelconque plantation. Et si une personne se donnait le droit de tuer à la Mecque en prétextant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a combattu, dites-lui alors qu'Allah l'a autorisé à son prophète et ne vous l'a pas autorisé à vous. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le combat m'a été autorisé à la Mecque pendant un laps de temps de la journée. Désormais, le caractère sacré de la Mecque est revenu aujourd'hui comme cette ville était sacrée hier. Que l'absent transmette ce message au présent, que le présent transmette ce message à l'absent. Et ce laps de temps qui a été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam était depuis l'apparition de l'aube jusqu'à la prière du Asr, le jour de la victoire de la Mecque. C'est uniquement dans ce laps de temps très court que Allah subhanahu wa ta'ala avait permis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre dans l'enceinte de la terre sacrée de la Mecque. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam est resté 19 jours à la Mecque. 19 jours durant lesquels alayhi salatu wa sallam il raccourcissait ses prières et n'a pas jeûné le reste du mois de Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se considérait comme jeûneur. Et il est entré à la Mecque victorieux alayhi salatu wa sallam le 17e jour de Ramadan de l'année 8 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 19 jours à la Mecque après l'avoir conquise et être entré à la Mecque victorieux alayhi salatu wa sallam afin de proclamer le tawhid et afin d'ancrer celui-ci dans cette terre qui est devenue maintenant une terre d'islam, d'unicité et d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, afin que la foi y soit ancrée et afin que les gens puissent lui prêter allégeance alayhi salatu wa sallam. Cette victoire éclatante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam a été suivi d'une foule impressionnante de gens qui entraient par groupe et embrassaient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Lorsque vient la victoire d'Allah et le fait d'avoir conquis, c'est-à-dire la Mecque, et que tu vois les gens entrer dans la religion d'Allah par groupe, فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Proclame la pureté de ton Seigneur et demande-lui le pardon, car c'est lui le grand pardonneur, subhanahu wa ta'ala. Les gens sont alors entrés dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par groupe, en grande quantité, et cette ville est devenue une ville dans laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, y est adoré, dans laquelle l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala y est proclamée et dans laquelle le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala y est appliqué. C'est devenu le centre de l'État islamique. Et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de cette ville l'emblème de l'islam et la capitale des musulmans, et ceci jusqu'au jour dernier. Sallallahu azza wa jal an yu'allimana ma jahilna wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu jawadun karim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.